Lettre 51e, Valérie à Cneius Florianus, Mantoue, septembre 302. Florianus, Florianus, ta Valérie vit encore. Elle a enfin trouvé un moyen de te donner de ses nouvelles. Le désespoir fut bien près de terminer sa vie pendant l'année qui fut un siècle pour elle, qu'elle a passé si loin de toi. Ils ont blessé mon cœur d'une manière inouïe. Et lorsque je voyais mes jours s'écouler l'un après l'autre sans espoir, sans pouvoir même te donner un signe de vie, je désirais avec ardeur que l'excès de mon chagrin détruisît le reste de ma vie. Plusieurs fois, je te l'avoue, je voulus terminer moi-même une existence odieuse sans celui que j'aime. Cela n'était pas bien, je le sais, et la seule idée m'en fait frémir maintenant. Tu m'as instruite dans une doctrine qui condamne et punit le suicide. Tu me l'avais défendue en Bretagne lorsqu'on nous sépara, et que je te citais une foule de gens illustres qui avaient usé de ce moyen lorsque tout espoir de bonheur leur était enlevé. Mourir ensemble, Florianus, quel sort digne d'envie! J'aurais voulu expirer la première, et dire, comme Marie, en te présentant le poignard, « Cela ne fait point de mal. » Mais tu ne le voulus pas, et je te fis le plus grand sacrifice, celui d'être séparé de toi et de vivre en Dieu. Je frémis encore en pensant à cette nuit terrible, où mon père vint, auprès de mon lit, m'ordonnait de m'habiller. Ma mère le suivait et fondait en larmes. J'hésitais d'obéir. Partir sans te revoir était au-dessus de mes forces. Mon père jeta sur mes épaules un de ses longs manteaux et m'entraîna vers le char qui devait nous emmener. Ni mes questions, ni mes prières n'obtinrent de réponse. Mes forces m'abandonnèrent. Je tombai sans connaissance. Il profita de ce moment et m'emporta dans ses bras. Je n'ai donc aucune idée de notre voyage jusqu'à la mer. Mon évanouissement fut long. Quand je revins à moi, je me trouvai sur un vaisseau, et je vis derrière moi le rivage de mon île chérie. Je devins dangereusement malade, et je me vis bien près de cette mort si désirée. Personne ne me parlait de toi. Leur manière avec moi était cependant affectueuse et tendre, mais ils furent sourds à toutes mes questions sur mon Florianus et sur le lieu où nous allions. Nous sortîmes enfin du vaisseau où j'avais tant souffert. Après quelques jours de voyage, nous arrivâmes sur les bords d'un grand fleuve. On me dit que c'était le Rhin, et que la grande ville que je voyais devant moi était Colonia Agrippina. Oh Dieu, quel espace entre moi et la Bretagne! On m'ôta mes crayons, mon papyrus, mes tablettes, et tout moyen de t'écrire. L'essai que je fis d'écrire avec mon sang sur un morceau d'étoffe fut bientôt découvert et détruit. Ah, pourquoi n'ose-t-on pas mourir lorsqu'on est si malheureux de vivre? Pourquoi devais-je supporter la vie sans celui qui seul me l'a fait aimer? Nous sommes actuellement dans une ville d'Italie que l'on nomme Mantoue. Je ne puis m'accoutumer ni aux habitants, ni à leur genre de vie, ni à leur climat. La chaleur insupportable que l'on éprouve en Italie me fait mal. Mon corps, encore épuisé par la maladie, souffre horriblement de l'ardeur brûlante du soleil, et de l'air empoisonné qui s'élève des marais dont ce pays est couvert. Je ne retrouve ici ni l'air frais, ni la belle verdure, ni l'ombre bienfaisante de notre île. Hélas, je n'y retrouve pas non plus la présence de l'ami qui me ferait tout supporter. Je ne puis donc que languir misérablement. À peine pourrais-tu reconnaître ta Valérie. Ah, Florianus, n'as-tu donc aucun moyen de me délivrer? Ah, sauve, sauve un être infortuné qui ne peut vivre sans toi, et qui va perdre même l'espoir de te retrouver dans le séjour des bienheureux. Je ne suis plus digne d'y prétendre. Il faut, me disais-tu, aimer Dieu par-dessus tout, et supporter les épreuves qu'il nous envoie, quelque cruelles qu'elles puissent être. Je ne puis aimer que Florianus, je ne puis supporter d'être séparé de lui, et j'offense mille fois le jour, par mes murmures, le Dieu qu'il m'a fait connaître. Ô toi, qui m'as donné ta croyance, ne me rejette pas avec dureté dans l'obscurité et dans le doute. N'aurais-tu pas mieux fait de m'y laisser? Jupiter n'aurait point tonné si un fer bienfaisant avait tranché le fil de mes jours. Minos aurait respecté mon malheur et ne m'aurait pas repoussé de l'Élysée. Là, j'aurais trouvé Didon évitant Énée. Moi, j'aurais volé dans tes bras, et quelque sombre que puisse être ce séjour, réuni avec toi, il m'aurait suffi. J'aurais osé mourir. Oh, bienfait du paganisme, vous n'êtes plus la ressource d'une malheureuse chrétienne. Que viens-je de tracer, Florianus, me pardonneras-tu ? Non, je ne puis regretter d'être chrétienne. C'est la foi, c'est celle de l'amour. La base du christianisme, c'est l'amour le plus pur et le plus vif, celui d'une mère. Je me retire souvent, et avec plaisir, vers celle de notre Sauveur. Élevé par-dessus tout, grand et redoutable, le Dieu de l'univers effraie mes regards craintifs. Marie a vécu, a souffert, a aimé comme moi. Elle comprend donc mon chagrin. Oh oui, elle m'a consolé. Lorsque, tremblant à ses genoux, j'osais la supplier d'accorder du soulagement à mon cœur par l'intervention de son Fils. C'est sûrement à elle que je dois d'avoir trouvé ce moyen de t'écrire et de te faire parvenir ma lettre par un homme sûr qui te connaît et qui part demain pour Eboracum. On dit que ton élève Constantin jouit d'un grand crédit auprès de l'empereur d'Orient et qu'il a beaucoup de pouvoir. Ne pourra-t-il pas nous aider ? Adresse-toi à lui, confie-lui notre amour et nos malheurs. L'infortunée fille d'Auguste n'aurait-elle pas quelque droit au secours des hommes ? Ou ne suis-je sorti de mon heureuse obscurité que pour apprendre qu'ici-bas, plus on tient à un rang élevé, et moins on doit attendre de l'amitié ? Écris-moi bientôt, Florianus, mais non pas aussi froidement que tu me parlais à Eboracum les derniers jours. Je respecte tes vertus et tes principes, mais je succombe sous le poids de douleurs accumulées sur mon pauvre cœur. Je ne suis pas aussi courageuse que toi. Je ne sais que t'aimer de toutes les forces et de toutes les facultés de mon âme. Oh, écris-moi avec bonté, avec tendresse. Laisse pénétrer jusqu'à moi un seul rayon, une seule étincelle de cet amour qui remplissait ma vie des sensations les plus délicieuses. Un seul mot de ce que tu me répétais si souvent dans notre île chérie. Si tu m'écris tout de suite et que tu charges de ta lettre le messager qui doit revenir incessamment, elle me trouvera encore ici. Nous y restons jusqu'à la fin du mois prochain. J'ai appris cette circonstance, moitié par hasard, moitié par adresse. Asinius Ponticus a écrit à Auguste, à celui qu'on dit être mon père. Il attend ici sa réponse. Ce moment peut être le seul où nous pourrons recevoir des nouvelles l'un de l'autre pendant des années. Ne le laisse pas écouler inutilement, et donne-moi l'assurance que tu vas travailler à nous réunir. Adieu, mon maître, mon ami, mon époux, mon tout. Adieu.